créance du dirigeant naît de sa révocation pendant la période d'observation. Lorsqu'un contrat poursuivi après l'ouverture de la procédure collective est résilié, les indemnités et pénalités éventuellement dues aux co-contractants de l'entreprise faisant l'objet de la procédure collective ne bénéficient pas du traitement préférentiel. Voici une application de ce principe à la révocation du dirigeant d'une société en redressement judiciaire qui constitue la résiliation d'un contrat en cours. L'indemnité de révocation éventuellement due au dirigeant ne bénéficiera pas d'un paiement préférentiel et doit être déclarée.